est-ce que tu crois que tu vas changer le monde avec c'est pas le genre de truc qui va changer le monde, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais c'est pas le genre de... Tout le monde tape des pieds. Maintenant je vois tout le monde tape des pieds.